Mon basque c'est 9-2 Attention, attention, l'artiste qui se passe dans la rue. Dans la rue, vote bien. Ouais, je vois beau, passe-moi le cipo. J'rallume mon pédo car on sort tout juste tout ce beau. Dans nos cerveaux, c'est attention. Attention. Ouais, je vois beau, passe-moi le cipo. J'rallume mon pédo car on sort tout juste tout ce beau. Dans nos cerveaux, c'est attention. Attention. J'rêve pas de la Starac ou de voyage comme Star Trek. J'pose une piste sur ce track, t'es frais comme d'Artec. Ou si un goulet qui veut le cash, j'ferai un thé, j'pars à la fenêtre de braque avec sa calache. D'un coup, t'enfonce la tête, on te retrouve sur le tarmac. Mixé par le réacteur d'un jet, broyé par la rime de clash. Viens précoce, rate la fête. Passe pas une nuit dans ce palace, mais plus à perdre la tête. Accroché à une chaîne, traîné derrière un Cayenne. Le sang réservé aux traîtres qui agissent comme des hyènes. Oh, lâchez les vieilles règles, okay. Le cerveau en chaos, okay. Animé par la haine, j'lâche pas jusqu'au chaos, hey. Et dis-toi qu'au chaos, hey. Y'a fausse là dans le froco. Ok, mic check, un de règles, la voix dans le compresseur. Monte le son un peu dans le casque et rec, de l'ingénieur. Mes peines, mes erreurs, c'est ton mic que je les pleure. Sans rancœur, je lui ouvre mon cœur et ça fait péter le DSR. Avec lui, j'suis franc, honnête et il me le rend comme un voix net. J'ai pris une lourde peine, il m'a serré, c'est pour perpète. J'suis bien dans la cabine, plongé dans ma bulle quand le son m'envoûte. Que j'oublie tous mes calculs. Je prends du recul sur ce monde, on se ressort souvent la fronde. Personne n'est à l'abri, aujourd'hui même tes proches te trompent. Pourquoi je me réfugie au sud alors que dehors ça gronde? Parce que dans ma tête c'est le vide, pourtant j'ai pensé profonde. Je prends la feuille, le stylo, ça grattera pas de mimo. Je me retrouve dans mon univers quand elle y elle me dit qu'on est chaud. Malgré mes peines, mes erreurs, comment veux-tu m'enlever ça? J'y mets toujours tout mon cœur, quel que soit le résultat. Ouais, ouais, ouais, ouais. Rimeur daily, rimeur daily. L.I.M. Fantôme. Simplicité, j'ai implanté ma grosse bite urine dans ces urnes et votes pour l'illicite moralité. Y'a la part, attends, j't'explique qu'en réalité, les gars comment la vie qui se complique. Dès que ça sort la police nationale, normal pour que j'mène une vie illégale, animale. C'est ce qu'il faut mettre dans le cul de ce cheval pour de l'argent sale comme leur tribunal. Car j'suis qu'un fils immigré, moi, loin d'être intégré, dénigré. Ouais, t'as vu, grand, j'ai maigri. En plus, j'suis aigri, pris par la haine. Je me sens pas citoyen dans ce pays. Ami, lève ton majeur si t'es anti-touch-me. Ami, lève ton majeur si t'es anti-touch-me. Ouais, ouais, ouais, ouais. Attention, L.I.M. Tous illicites, c'est pour les rertis. Les lertis de tous les quartiers de France. C'est pour ma délinquance. Ici on pèse le FL, le MNN. Ah ouais, c'est ça.